Chapitre 21e. Parmi les hôtels de Paris, celui du Bon-la-Fontaine, qui se trouve rue de Grenelle-Saint-Germain, occupe un rang à part. Là, pas plus d'étrangers tapageurs que de pauvres diables honteux. Une clientèle de prêtres et surtout de gens pieux de la province aux manières discrètes, aux toilettes effacées, aux habitudes régulières. On s'y lève de bonne heure pour assister aux messes du matin à Saint-Sulpice et l'on s'y couche tôt. Pas de bruit dans les corridors, on y marche doucement, à pas glissés. Quand M. de Mussidon, le vendredi à 4 heures, s'y présenta, la canne sur l'épaule, le poing sur la hanche, le chapeau sur l'oreille, avec ses airs de vainqueur, il fit sensation dans le personnel, bien plus habitué aux gens qui rasent les murs et baissent la tête en tendant le dos qu'à ceux qui crèvent les plafonds et font sonner leurs bottes. L'appartement de Mademoiselle de Puylaurens était au premier étage. Dans l'antichambre se tenait un petit homme aussi large que haut, à moitié bossu, au visage rasé, aux cheveux plats, vêtu d'une longue redingote marron tombant jusqu'à la cheville. Monsieur Buvard, depuis 30 ans au service de Mademoiselle de Puylaurens, et par son zèle, son dévouement, sa probité, devenu un personnage important. Mais, malgré l'influence que ce personnage, avec qui tout le monde comptait, exerçait sur sa maîtresse, M. de Mussidon n'était pas homme à ne pas le traiter en domestique. D'ailleurs, il avait pour sa petite taille et sa difformité le plus parfait mépris, un abordon à ses yeux. « Votre maîtresse est chez elle ?» demanda-t-il avec hauteur. « Mademoiselle attend, monsieur le comte. » Et Buvard, ayant ouvert la porte, annonça « Monsieur le comte de Mussidon !» Une personne très longue, très maigre, très pâle, enveloppée dans un châle et dans des dentelles, une bouillotte sous les pieds, était assise au coin de la cheminée devant le feu, presque dans le feu. Sa figure aux joues creuses et aux yeux brillants exprimait la souffrance et surtout un air de fierté native uni à une extrême bonté acquise. Elle lisait sans lunettes, mais en le tenant au bout du bras à distance, un livre de piété. De la main, elle fit signe à M. de Mussidon de s'asseoir en face d'elle à l'autre coin de la cheminée. Il s'était avancé jusqu'à 3 pas d'elle, noblement, la tête haute. Là, il s'arrêta et, les deux talons réunis, la pointe des pieds en dehors, il s'inclina cérémonieusement en faisant décrire à son chapeau ramené sur son cœur une courbe pleine de majesté. « Comment vous portez-vous, ma tante ?» Dans sa bouche, ce n'était pas là une parole de simple politesse, mais d'impatiente curiosité. Combien il regrettait qu'elle ne lui tendît pas la main, il aurait vu si elle était chaude, cette main maigrie. Et tout en s'asseyant, il regardait sa tante. Elle avait pâli. Elle était plus essoufflée. Allons, décidément, Cédou ne l'avait pas trompée. Depuis 2 ans qu'il ne l'avait vue, le mal avait fait des progrès. Tous les médecins de la faculté de Paris ne la prolongeraient pas. La pauvre femme, il fallait être bon avec elle et oublier les justes griefs qu'il avait dans le cœur. Si elle voulait se réconcilier avec lui avant de mourir et l'entretenir de son testament, il ne lui garderait pas rancune. Et ce qu'elle lui demanderait, il le lui promettrait. Après tout, elle était la sœur de sa mère. Il n'exigerait pas des excuses trop pénibles pour elle. Mais il n'eut pas le temps d'écouter ses bons sentiments dans lesquels il se serait complu volontiers. Mademoiselle de Puylaurens venait de prendre la parole. « Notre parenté, ma qualité de sœur de votre mère, me permettrait d'invoquer certains droits. Je n'en ferai rien, cependant. Et dans notre entretien, je tâcherai qu'il ne soit question que de l'affaire que j'ai à traiter avec vous. » M. de Mussidon s'inclina avec une politesse légèrement ironique, un homme qui se dit « Tout cela m'est égal, voyons cette affaire. » Elle continua. « Bien que nous ayons rompu toute relation, vous ne m'êtes pas devenu étranger. Je vous ai suivi, et une personne de confiance a été chargée de me tenir au courant de ce que vous faisiez, de ce qui vous arrivait. C'est ainsi que j'ai su que vous aviez été vous loger à avenue des Tilleuls, et c'est ainsi que j'ai su que vous aviez eu un enfant d'une jeune fille, d'une ouvrière dont vous avez fait votre maîtresse. » Monsieur de Mussidon se trouva assez surpris, mais il ne répondit rien. Il n'était pas un jeune neveu qui comparait devant sa vieille tante. Il avait bien le droit de s'offrir autant de maîtresses que bon lui semblait, peut-être. « J'ai fait prendre des renseignements sur cette personne, » poursuivit Mademoiselle de Puylaurens. Avant de vous connaître, c'était une honnête fille. Sur ce point, il y a unanimité, et je pense que vous l'admettez comme tout le monde, plus que tout le monde. Mais en quoi cela, je vous prie, se rapporte-t-il à l'affaire que vous avez à traiter avec moi? Vous allez voir. Avant tout, il importait d'établir que cette jeune fille était honnête, ce qui est fait. Maintenant, nous allons arriver à cette affaire. Après toutefois que je vous aurais dit comment j'étais amené à vous la proposer. Vous savez combien tendrement j'ai aimé ma sœur, votre mère. Cet amour, je l'ai reporté sur vous. Et pendant plusieurs années, vous avez été un fils pour moi. Je me croyais votre mère. Ces sentiments ont changé. Il est inutile que nous revenions sur les causes de ce changement. Mais les sentiments d'affection maternelle que j'ai éprouvés pour vous ne sont pas morts. Ils se sont reportés sur vos enfants, qui étaient le sang de ma sœur et qui ne devaient pas souffrir de... Je ne voudrais rien dire de désagréable pour vous. Parlez en toute liberté, je vous prie, dit-il avec une parfaite indifférence. Enfin, ces enfants ne devaient pas souffrir de nos dissentiments. Autant qu'il a été en moi, ils n'en ont pas souffert et je crois que je suis une grand-mère pour eux. Vous, comment avez-vous compris et pratiqué la paternité? Permettez-moi de vous dire que je ne relève que de ma conscience. Vous vous trompez, vous relevez aussi de Dieu, qui vous voit et vous juge. Jusque-là, elle avait parlé lentement, d'une voix faible, en s'arrêtant après chaque phrase pour respirer. Mais ces derniers mots, elle les prononça avec énergie, la tête haute, la main levée. Et en la voyant ainsi, M. de Mussidan se demanda avec inquiétude si, sous cette apparence débile, il ne restait pas encore plus de force qu'on ne lui avait dit et qu'il ne croyait. Elle continua. « D'ailleurs, je suis surprise que vous invoquiez votre conscience. Ce n'est pas elle, assurément, qui vous inspirait l'idée de conduire vos fils chez cette jeune fille. Ils vous ont dit ? Ils m'ont dit qu'elle avait été très bonne pour eux et qu'elle s'était ingéniée à leur être agréable. Mais il ne s'agit pas de cela. Bien que sa manière d'être avec eux ait influé sur ma résolution. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. Ce n'est pas elle qui a été chercher vos enfants, c'est vous qui les avez menés chez elle. Vos fils, chez votre maîtresse. Cela vous a paru la chose la plus simple du monde, la plus naturelle. Vous ne saviez qu'en faire, comment les amuser pendant leur sortie, comment leur donner à dîner. Vous vous êtes débarrassé de ce souci sur cette pauvre fille qui a pris votre place. Et vous n'avez pas senti ce qu'il y avait de coupable, permettez, de honteux, dans cette conduite. Ce n'est pas pour vous le faire sentir que je parle ainsi, mais pour que vous compreniez combien cruellement je l'ai senti, moi, qui leur tient lieu de mère. Croyez-vous donc que ces enfants, déjà grands, ne sauraient pas que cette jeune femme était votre maîtresse, que cette petite fille était leur sœur? Et vous n'avez même pas eu l'idée de vous demander ce qu'ils penseraient, comment ils vous jugeraient? Quelle influence cet exemple pouvait exercer sur eux, à leur présente, dans leur conscience, plus tard dans leur vie même, dans leur avenir? Vous n'avez pas eu le souci de vous demander si cela ne pervertirait pas leur cœur à jamais? Elle fit une pause et, comme il ne répondait rien, elle reprit. Moi, j'ai eu ce souci. D'autre part, j'ai eu souci aussi de cet enfant nouveau-né, votre fille. Ne vous ai-je pas dit que je voyais dans vos fils le sang de ma sœur, le mien, celui des Puylaurens? Je le vois aussi dans cette petite. Je ne veux pas qu'elle soit un enfant abandonné, une bâtarde. Je ne veux pas que la petite fille de ma sœur finisse dans la honte, dans le crime, peut-être. Et c'est pour cela qu'après avoir fait prendre des renseignements sur cette jeune personne et acquis ainsi la preuve qu'elle est une honnête fille, ce que vous avez reconnu vous-même d'ailleurs, je vous appelais pour vous dire que vous deviez l'épouser. » Monsieur de Mussidan resta un moment abasourdi en homme qui ne comprend rien à ce qu'on vient de lui dire et qui se demande s'il a ou n'a pas entendu. Puis tout à coup, se renversant sur le dos de sa chaise, il se mit à rire aux éclats. « Moi » s'écria-t-il, « moi, comte de Mussidan, épouser Angélique ?»« Parfaitement, vous qui êtes le père de son enfant. » « Ah, c'est trop drôle, laissez-moi rire !» Et il s'abandonna à son rire qui n'avait rien de forcé. C'était de la meilleure foi du monde qu'il trouve extrêmement comique l'idée de vouloir le marier. Fallait-il que cette vieille fille fût de sa province? Ah, la pauvre femme, comme elle était ridicule et niaise! Mademoiselle de Puylaurens assista, impassible, à cet accès d'hilarité. Ce fut seulement lorsqu'elle vit que M. de Mussidan commençait à se calmer qu'elle continua. « Je ne m'imaginais pas qu'une simple affaire pouvait être aussi drôle, » dit-elle. « Une simple affaire !» Avez-vous donc cru que je vous demandais d'épouser cette jeune personne et, par ce mariage, légitimer votre fille au nom de la morale et de notre sainte religion ? Cela eût été drôle pour vous, peut-être, mais je ne l'ai pas fait. Et même j'ai évité de m'appuyer sur des idées et des croyances qui ne sont plus les vôtres. J'ai voulu me renfermer dans ce qui était à faire, et voilà pourquoi je ne comprends pas cette hilarité. En quoi mon mariage avec une fille qui n'a rien serait-il une affaire ? En cela, qu'en considération de ce mariage, je vous assurerai certains avantages qui, pour un homme qui n'a rien, seraient justement une affaire. Sur ce mot, M. de Mussidan, qui avait pris ses grands airs d'indifférence et de gouaillerie, se fit attentif. « Je vous écoute. » Mademoiselle de Puylaurens continua. « Dans la situation précaire où vous vous trouvez, il ne peut pas me venir à l'idée de vous demander de vous marier sans penser en même temps à assurer la vie matérielle de votre femme et de votre enfant. Mais d'autre part, avec les habitudes que je vous connais et les expériences que j'ai faites plusieurs fois, il ne peut pas non plus me venir l'idée de mettre à votre disposition un capital quelconque, que vous gaspilleriez en quelques mois, peut-être en quelques jours. Voici donc l'affaire que je vous propose en vue de ce mariage. Vous prenez un appartement décent dont je paye le loyer. Vous choisissez un mobilier que je paye aussi. Je vous remets une certaine somme pour mon premier besoin et je vous sers une pension mensuelle de 300 francs, que vous touchez par quinzaine. Enfin, quand votre fille atteint sa 10e année, je la fais élever, et plus tard, je la dote largement. » À mesure qu'elle parlait, M. de Mussidan, tout d'abord souriant, s'était rembruni, et peu à peu son visage avait exprimé la déception et la colère. « C'est une raillerie » s'écria-t-il. « Rien de plus sérieux. Et vous avez cru que j'accepterais un pareil marché, moi ? Et pourquoi ne l'accepteriez-vous pas ? Vous ne pourriez avoir qu'une raison, il ne vaut rien. Je vais vous l'expliquer. Cette raison vous serait inspirée par l'espérance d'être bientôt en possession de ma fortune. Je sais bien que vous vous êtes vanté d'être mon héritier dans un délai prochain, et même que vous entretenez des gens à cordes pour vous tenir au courant de mon état de santé. Dans ces conditions, vous imaginant que vous aurez bientôt ma fortune entière, vous pourriez trouver que c'est une raillerie de ma part de vous proposer une pension dont vous n'aurez bientôt plus besoin, et même que votre main droite payerait à votre main gauche. Eh bien, si vous refusez le marché que je vous offre en raisonnant ainsi, vous avez tort. Jamais, vous entendez bien, jamais vous n'hériterez de moi. Mais vous ferez ce que vous voudrez. Pourquoi vous laisserai-je ma fortune ? Pour que vous la gaspilliez follement comme vous avez gaspillé celle de votre père et celle de votre mère ? Pourquoi, je vous le demande ? Simplement parce que je suis le chef de notre famille. Chef de notre famille, vous ? Vous ne l'avez jamais été, jamais pour rien de bon, jamais pour rien d'utile. Vous ne le serez pas maintenant pour mon héritage. Une fortune qui fondrait entre vos mains en quelques années. Rayez donc cela de vos espérances. Elle ira à vos enfants, à tous vos enfants. Elle appuya sur ces derniers mots, tous vos enfants. Il émit une intention évidente. Mais suffoqué par la surprise et l'indignation, M. de Mussidan n'était sensible qu'à une seule chose, ce qu'elle lui avait dit « Jamais vous n'hériterez de moi ». Et ce qu'il y avait de grave, dans ces quatre ou cinq mots qui lui résonnaient dans les oreilles, c'est que sa tante ne revenait pas sur ce qu'elle avait dit. Il ne le savait que trop bien. Lors de leur dernière rupture, elle lui avait dit que désormais il n'avait rien à attendre d'elle. Et elle lui avait tenu parole, même alors qu'il était mourant de faim. La pension qu'elle lui proposait maintenant, ce n'était pas à lui qu'elle l'offrait, c'était à celle qu'elle voulait lui faire épouser. Cette pensée l'exaspéra. « Moi, épouser une ouvrière » s'écria-t-il. « Une ouvrière vaut bien une écuyère, sans doute. Lors de votre premier mariage, vous n'avez pas eu ces scrupules. Et avec la juste fierté d'un gentilhomme, vous ne vous êtes pas écrié « Moi, épouser une écuyère ». Vous l'avez prise pour femme, cette écuyère. Vous lui avez donné votre nom. Vous en avez fait la mère de vos enfants. Et cependant, vous n'aviez pas 50 ans alors, et vous étiez, au moins pour le monde, dans une autre situation que maintenant. Pourquoi seriez-vous plus difficile que vous n'avez été ? Il y a certaines gens qui sont nés pour épouser des femmes d'une condition au-dessous de la leur, et vous êtes de ces gens-là. » Il leva la tête d'un geste noble et hautain. « Il y a des gens qui ne s'abaissent jamais. » « Comme vous voudrez. Si cela est, vous n'avez pas à craindre d'épouser une ouvrière, alors. ou les lèverai jusqu'à vous. Mais ce sont là des considérations que je ne veux pas traiter avec vous, je vous l'ai dit. Je reviens à l'affaire dont vous ne paraissez pas avoir saisi tous les avantages. » Mais avant d'expliquer ces avantages que M. de Mussidan n'avait pas saisis, elle sonna, et son valet de chambre, entrant presque aussitôt, lui apporta une tasse pleine d'un liquide fumant, une tisane sans doute. Elle y versa un sirop, et après avoir bu quelques gorgées qui éclaircirent sa voix fatiguée, elle poursuivit. Il y a longtemps que je suis partagé sur le point de savoir si vous êtes capable ou incapable de calculer. Il y a des jours où vous paraissez calculer très bien, et où vous vous montrez véritablement habile dans l'art de veiller à vos intérêts. Il y en a d'autres, au contraire, où vous semblez ne pas calculer du tout. Cela tient peut-être à ce que vous voyez ce qui vous touche immédiatement et non ce qui est encore éloigné. Si vous étiez en ce moment dans un de vos bons jours, vous comprendriez que vos deux fils, qui seront mes héritiers, ne sont plus des petits-enfants. Sébastien n'a plus que 3 ans à attendre avant l'âge où les enfants ont la jouissance de leurs biens, et Frédéric 4 ans. Au contraire, votre dernier enfant, votre petite-fille, qui serait aussi mon héritière pour un tiers si vous la légitimiez par un mariage avec sa mère, a encore 17 ans et 10 mois, avant cet âge où cesse pour les parents la jouissance des biens de leurs enfants. » Elle acheva de vider sa tasse et, comme M. de Mussidan, les yeux fixés sur le feu, paraissait réfléchir, elle poursuivit. « Dans les jours où vous comptez bien, vous avez dû faire le calcul du temps que vous me donnez à vivre. Pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais je ne suis peut-être pas aussi malade que vous croyez. Et même, pour ne pas vous tromper, je dois vous dire que je ne me sens pas prêt de mourir. Mais enfin, admettons que, comme tous les malades, je me fais illusion et que je suis condamné. Est-ce dans 2 ans, est-ce dans 3 ans que je mourrai? Nul ne peut le savoir, n'est-ce pas? Mettons 3 ans. C'est juste le moment où Sébastien a atteint ses 18 ans. Vous n'avez donc aucun droit de jouissance sur la part lui revenant. Vous n'en avez qu'un sur la part revenant à Frédéric. Mais comme Frédéric a alors 17 ans, vous ne jouissez du revenu de sa part que pendant 1 an. Quelle misère !» Elle fit une pause pour laisser ses explications produire tout leur effet. « Comme la situation change, reprit-elle, si vous légitimez votre fille, dans 3 ans, elle n'a que 3 ans. Et si je meurs à ce moment-là, vous jouissez du revenu de sa part, c'est-à-dire d'environ 50 000 francs de rente pendant 15 ans. Quand vous serez dans un de vos bons jours, vous sentirez la force de ces calculs, j'en suis certaine. Et je pense qu'ils exerceront une influence décisive sur votre réponse. Tout ce que j'ajouterai ne pourrait que les affaiblir. Donc il est sage d'attendre jusque-là pour terminer. » Elle hésita. Pour terminer ce marché. Prenez votre temps. Je resterai à Paris jusqu'à mercredi prochain. Et je serai chez moi tous les jours à partir de 5 heures. Je vous demande seulement de ne pas venir dimanche. Je ferai sortir mes neveux. » Elle sonna. « Reconduisez monsieur le comte, » dit-elle à son valet de chambre. Monsieur de Mussidan salua sans dire un mot et sortit la tête moins haute, avec un air moins superbe que lorsqu'il était entré. Ce n'était pas son habitude de se laisser troubler ou démonter, mais il avait été si bien surpris par cette proposition et surtout par les raisons que Mademoiselle de Puylaurens s'avait déduites pour la lui expliquer, qu'il ne retrouva pas son chemin pour descendre. Il fallut qu'un domestique le lui indiquât, et encore n'entendait-il guère ce qu'on lui disait.